Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Deko Pasteur Gili Mbote. Mbote Kulutu, Mbote Papa Kadiombo, Mbote na barispe nyon soyo, ozo pesabiso baleki baanabino. Oui, c'est normal, nzoto tana ba mouvement denge tozo sala sala, nzoto peza na mwa ba caprice nango, nde ezo tungi sape kakame dans l'ensemble sa va. Tant on a yo kaki appel a Kulutu nga bi, atan nzoto azana ba mouvement na emena respecte mbela. Et d'abord, il y a dans le Kanda. Il y a un peu de cannabis. Ce qui est dans la Bible, il y a un esclave, le prince Azotambola Makolo. Je voulais dire quoi par là, papa. D'abord, nationaux, moi, je suis un souffrir, je suis Congolais, je suis un ma chère na Congo. Que les Congolais akufi na Grande-Bretagne. $6,000 liboulou oyo ekobota ata lititi ya ndembite ke toko katangwa ta na poisson tolia. Pe cimetière ngo ya mwana mboka. Mabele ya mboka na biso. Oyo akufi ndeko na ye Congolais. Bongo bato yo bazana famille ya malunga te. Bakosuka ndenge nini? Ba réflexion yo soana. Kotala na kata mboka na biso. Pour moutou, abimi sa moutou, il faut zala leki ya, mwana ya, abimi na fami ya. Bongo, bato, babimi na ba fami, et sa la kombote kulutu nanga jibem pia na yemba yango. Bako suka, wapi. Le loko tala pour moutou, atombo la moutou, il faut zala na province moko boye. Ayebi mounoko moko boye. Comme ça, ceux qui a komine sika yango, sans demande, a largue kara mounoko wana, ba yebi ke bangonde bato baza na monopole. Bakotisi. Bo bato baza na valeur ya musala to eloko ango. Me ayebi munoko wana te po aza ya province wana te. Akosuka ndengeni. Ne se parla. Ke mote mananga etonda ke munoko elobi. Donc c'est par l'abondance du cœur ke ma bouche a parlé. Ne babi loko nyo santo na bandi ko etide yango. Mutumoko awuti quelque part pour son grand frère. Lelo akomi na mbongi bele na mboka na biso. Mais nous qui sommes là, nous sommes armément, ils sont chers, papa, vous êtes bien. Et ça, le quoi, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, il faut parler. Même évangile est comme il est le pasta. Ba potre Jean ba boka ba mona ba île de Patmos. Ouais. Ba tobola emisu ba sundola ye. Ba potre Pierre awanga na grand prêtre na Jésus. Mais le lo sentir pasteur alingi ba tunyo so ba ye ba ke pasteur. Donc ça na ba to ba paya na ngo pri. Ouais. Yango moni to suite décision ya ko loba pour na république na biso pour soki to lobité ba tunsu ba ko lobate. Papa Kadiombo. To za na droit ya ko manquer moto moko respecter. Ce qui n'a pas poli, n'a respect na yo, oko yambanga na salon na yo te. C'est ça. Oko yambanga na salon na yo te. Mais du moins, tozo bimisa babiloko oyo ekoka ki koloba mate na république. To bimisa yango et permettre que bato pe bazo salango, baye ba ke bazo mona biso. OK. Voilà. Je comprends que Ndenge balobi, la bouche parle, par l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, awa, na zokotuna, surtout oyo les gens voudraient que je demande. Oui, oui. Réclamation à Mende au Malang, zakaka le cœur abondant. Non, non. Réclamation, il y a papa Mende, ce n'est pas Pasteur Gili. Ce n'est pas non plus aussi l'IDPS. Puisque Batouba comprenait qui mal. Que baza IDPS, IDPS a comment réclamer Mende. Eh, tout ça, voilà patati patata. nazonga na ne ya problème. Papa Kadiombo, to fandi na katamboko to yebi ministère ya information et presse. D'abord, moto aza na éloquence. Deux, moto aza na oracle. Trois, moto yebi ko maîtriser ba faire. Comme exemple, Papa Dominique Sakombinongo, de reste mémoire. Comme exemple aussi, Vital Kamere, Loakanikin. Comme exemple, la mère Mende Ombalanga. Mende Amélie Sibiso Kinin sans malaria. Je voulais dire quoi par là. Mende Azo Lingisa Biso Kabila au peuple congolais Balingite. Ah, Warande Asalaki Apeshaki. Voilà. Mais na yemoko Mende. Il est bon. Il est bon. Voilà. Pona Moussala Wana. Raison pour laquelle Bagarda ye 8 ans tant que ministre y a information et presse et porte-parole y a gouvernement. C'était aussi par l'abondance du cœur. Général Kayimbi Akoufi, Tisiko au peuple congolais, Ayebi vraie version te, il fallait tout au Kango, na Monoko, ya Mukonzamboka, après réunion, ya conseil des ministres. Ouais. Mukonzamboka a outosale lokomoko ya kitoko en États-Unis entre Bayuda na Américain. Il a parlé. Ouais. Le lo Congolais comme tu na mon cher. Est-ce que Hollandais que nous fachia betaki kuna? Rien. Et l'obamité et zoyo kanate. Et l'obamité et zoyo kanate. Problème, il y a gratuité. Ouais, ouais, ouais. Et loko, il y a bien ballon perdu. Facha nyatango et kota. Baluki ba constate vidéo, tout ça. Et vanda. Tile lo. Mais, ba vendre yangote. Ba commenter yangote. Victoire, il y a FRDC. Oyo, ba yebisaka Félix ke okolonga te po armé wana yza ya Kabila. Mais le lo, FRDC a longwe na 9e position, a komi lo na 8e. Na 14 mois, ya fachi na pouvoir. Mais pourquoi ministère yon Nde ba tumsu ba komi ba ministre. C'est pour la République. Nde le lo ba tumsu sou ba sa ba gouverneur. Mais ce qui est étonnant, le lo moutazo koma ministre par rapport ya famille politique na ye. Le lo moutazo koma ministre ou bien gouverneur par rapport il y a clan O, il y a Bimeli. Donc, à une nation, à Boaki. Né, yango le losomo na soki, au toucher Moutoumoko Songolo. Au lié Congo et Telema et l'obapo na ye, famille politique na ye. Et comment défendre? Et bando take yo. Non, pasteur Alukuta, fumeur de chanvre, Zoba Ventilier. Ye Congolais, nga Congolais. Ministre Congolais. O evandi sibiso Congo. Si kotamu yozo finga nga fumeur de chanvre. Bon, d'accord. Bon, nga nandimi na fumeur de chanvre. Si koyo yo mayele oya yo o chango plasin ko bo sanate papa Kadiombo na ba ministère nyonso oyo lelo eza déranger na mato ya bato eza ministre information et presse ne place o moninga na yo to suka ki na likambo ya papa la mère Mende Mende ndimisi biso la police esa musa kitoko mais mukolo ba ke ko kanga ye na GB a regretter que la police ne fait pas son travail en tout cas ne fait pas son job et tout ça. Mais na ba marche lacrymogène. Non, non, non. La police a travaillé sur le professionnalisme. Et voilà. Donc, alinga kyan di misabiso Kabila nanko. Problème, il y a gratuité. Le lo bazu batiki liyamo le kina o Christian Bosembe. Donc, fa ke l'équateur, a soa ba image et tout ça. Mais Christian, a travaillé avec la présidence te. A zo sala moussala na eselon ye, na bo lingo o ya lingi Congo. Nde yango zo sa misala. Si ko yo ma benini o le lo to sa na mona kati. Tosan a besoin ya mutu oyo a ko vendre d'abord la République. Oyo a ko vendre la République. Ouais. Pas sa famille politique. Nde yango moni problème. O tosan ango. Metan ou to lobi o senti. Non. Bino kouto bolo belanan oyo a bino économie. Na yebite ministre économie. Aza ya kanini. Oyo c'est ça la coalition. Donc problème oyo soto bimé nango. C'est la coalition. Yango na répondi a kinde komoko. Ya INC. Nga bino non. To tombo la débat, to matisa débat, to finga nate, puisque l'enjeu est araba faible, to matisa débat. So ki na INC, eza na bato ba makasi, nga na ebi bato, nous souvent na arde parle, aussi ba maître Gabin Lulendo. Oh, ouais, il parle. Très bien que je respecte aussi. Aussi ba excellence Billy, Kambale. Ça va aussi. Or, mon vieux Jolino, intelligence, c'est ça, il y a qu'au fanda. Mais parfois, il y a qu'au communiqué. Exactement. Ne moutez au salam à défaut. Est-ce que ça, c'est un problème? Ce qui permet à ce salam. Mais yo, yebi mikolo, le kina yope, na moi, en plaire à ça, na moi, ce qui a l'oubili kambo, et kotiti na ba media. Pasteur Gilia Sengila Mermende, Ah, au moni, il dépense à comment réclamer. De médias en ligne, n'en parlons même pas. Médias locaux. Si je comprends, bah, journaux. Le pasteur Gulli a parlé pour qu'on amène na côté moko na yé positif. Il y a verve koloba, qu'on faire admettre. C'est ce que vous demandez à ce que Jolino puisse faire admettre les bienfaits. Il y a pouvoir oyo. Mais c'est ça qu'il communique. Nani akoyi kobo ya Assemblée nationale ya Vital Kamerhe. Non. Et le cas de Thomas Loaka. Et le cas d'Olivier Kamitatu. Soko lobe li amba komia akomo li ala rafeka. Omoni petua na pasteur. Tolo bara na bino na sa fantigé na na lelarte. Akomo pe sa sko Vital de loge. Mais non. Nana bosa ni ke ministère ya information et presse ya Vital Kamerhe et battre record ya Jolino Makelele. Est-ce que ça problème à coaching? Puisque le lobby likamba coach comme à Obama, vous savez monsieur mon basseri yango. Est-ce que ça problème à coaching? C'est ça. Puisque Barça a gagné Liverpool 3-0 na Camp Nou, a que soit 4-0 Libanda. Ouais. Mais na Messi na kati. Est-ce que Messi muta tourna kité? Tu es likamba coaching. Coaching. Maintenant ce qu'il y a une safanda solo là, au lieu que ba usi na bango contre les passés. D'ailleurs, je voudrais dire ici, les gens oublient facilement. Ceux qui, pasteur Gulli, comme moi, les autres, Toloba, Makambu, Yakamere, comme Dirkab, tous d'accord. Mais comme Nenga a dirigé l'Assemblée nationale, tout le monde dit les lois à la ca, d'accord. Mais bien, on a plateau, n'a oui, c'est pour te relayer, pour dire que le problème avec les Congolais aujourd'hui, c'est qu'il y a une cible. Voilà. Il y a un problème, c'est qu'il y a une vérité, c'est qu'il y a une vérité. A comment on l'a dit, il y a une colonie. Voilà. Soki ka kotake nga na za mongo. Ah! Voilà. Metanga kutu na commentaire mutu ma lobeli nga lobia lobi miyibi ya ba mongo wana. Petit moko muyibi tout ça. Moko kutu ya INC alekeli nga na media en ligne na lobi fumeur de chanvre. Tango afinga fumeur de chanvre avocat na bango ayo kité. Metanga na sala ka de mission avocat yo kaka. Avocat yo kaka. Wana sko azo ko ma lobi plainte contre ce petit pasteur Gulli. Il l'a insulté. Oh, toujours linga, tout relever débat, tout sauver la nation congolaise. Ne yango moni toujours qui exemple ya mende pour mende Amélie Sibiso Kinini sans malade, sans malaria, mais to meli yango. Kabila, en tout cas Kabila, mais le long a commis donneur de leçons à FCC, c'est mende. Mais qu'est-ce qui fait que ba congolais na le soleil de Katia Kabila? Même chez moi au Katanga. Non, c'est le bon, c'est le meilleur. À la fin, tant que vous expliquez, il y a en tout cas dans un transport. Et que tant que vous êtes au Tuliembo, d'accord, tu veux m'apprendre à Kolinga, je suis là. Parce qu'il y a comme Moutou. Moutou a irié, Azati. Mais Moutou, comme président, inanimement, tout le monde, même Nakan, va te mettre parce que le bas. Ah, bino bolo ba po biso moya koloba exacté parce que so otali katanga na ngai kuna richesse na ye na ndenge banda ko bana bosa ni kuto bato so fingo muluba olandaki mama moko asosoli baluba tout ça donc bato baluba yo solo ba po sa muluba papa po zolia to zolia wapi balubi yo zolia oza bien ozolo bana po pouvoir isa ya bino tout ça c'est là qu'il y a le problème. Ok? Oui. Soi, je suis au lobby pour les écoles. Bon, maman Denise, il y a un matavio facilement, ok? Il y a un mot qui a été. Il y a un mot qui a été. Il y a un mot. Le problème est à ce niveau-là. Tala, il dépense pas Nabino. Qui était Mavung? Voilà. Qui était. Jacquemin Chabani. Jacquemin Chabani. On a eu aussi. Masamba, ouais. Masamba, ah, Rémi. Rémi. On a eu le Moleka. On a eu tout le monde. Est-ce que Basaki va l'ouvrir? Voilà. Le problème qui se passe là-bas, hein, et ça faute la population de Pasteur Gulli. Rappelez-vous, dans le tango, Tolongoli a préparé préparaki coup contre les Balouba pour des raisons yabango, ouais. Parce que tant Basaki qu'on dominait Batu. Ok? Aujourd'hui, n'a révélé le Kamwana. Peut-être dans le bel Akiango Mingi pour la Balouba. Que les gens se posent la question de savoir pourquoi Équateur bâtit Kango à niveau Yassé Makas. Parce que Équateur, ils ont assez de coups de Yakasai. Oui, oui. Alors que Mobutu a salaki 32 ans na pouvoir. Nanya pekisa ki Mobutu kotonga Équateur. Et les Mongo, ce n'est pas parce que tu es là. Oui, oui. Bazar ben intellectuel est belé en Équateur que tout le monde. Okay. Pourquoi Bazaï se retrouvé difficilement à pouvoir à Mobutu? Cela veut dire que le problème de gestion n'est pas le problème des tribus. Les colons tango bakotaka, bazoaka difficulté dans deux provinces. Dans l'Équateur, na Kasai. Na Kasai occidental, vous tout bazaï kolinga ba belge a tamkete. Alors, bah, le fait d'avoir constaté que Batoyo, Bazobenga Bako, a têtu, ils avaient décidé de ne rien faire pour ces provinces. C'est ainsi que même Mobutu au pouvoir, Baloba Kibiso ne touche Yohana, ne construit pas là-bas. D'accord. Soto Bibina yo, pasteur Guili, li banda, au moment où ils étaient équateur, les kakana remorque, ils ont qu'un dépoto. Mais, bah, école ya, équateur, et Zangiban. Et Zangiban. Bosembalaxi a mon atelier tomoni. Et Zangiban, il n'y a pas de banc. Mais le bois de l'Équateur sort et est vendu à cher. Et Zongelibiso, là-bas, meuble, moko boye, on a importé. Voilà. So, ok, na Kasai. Tile le va salaga la banda kwa esobe. La capitale mondiale du diamant industriel. Ok. Awa Félix a commis mon conzi. Bala qui s'engage jour à la mouka na tongo na parcelle à Balouba Zoki n'occupe ce bloc à Rolia. C'est un débat dépassé. Mungune à Congo, Nesika exploitaka. Et Salema. C'est ainsi que moni vieux Ngwanda, Honoré, a sali qui a monté ba Bangala tout. Hein, pour dire Bangala, c'est pour dire Équateur, Mobimba, Ubangi, Sud, Nord. Bata kaka, et si ka problème est zate. A distraire bana ya mambenga, batou na ye, me bino 32 ans. Ata ko boa toyo, bato, les zate. Botongi li biso ta université moderne n'était, mais mata tamponyo, 4 ans. A sali université fanabango. Vol ko ken Équateur de l'eau, komi ya kotanga nami, nami sabi. C'est là qu'il y a le problème. Ainsi, quand nous parlons, Yoza Mongo, quel rapport y a-t-il entre Yona Moulouba et président Tshisekedi? Toi, tu vois la République. Mais les gens qui suivent ne voient pas la République, ils voient la tribu. La tribu. Ainsi, quand tu es au Kouya. Il y a un problème où il y a un problème où il y a un problème où il y a na katanga makambo ezo pela bakatange na bakasayen babomana au fait problème ngo ezani ngikuna problème za puisque c'est comme si on dirait papa makambo est ezo kita ezo koma siko na katanga me na lobaki tango ba ningisi batu ya minembwe bakitaki mingi na kalemi oui kalemi pas joué et c'est pourquoi les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi Barobero a le bas soutenu Banyaruga pour faire des kimia? Ce qui est indélé qui bango makasi, ne va pas le balakak. Voilà. Na début, le balongo la qui bango. Nyaruga va bimaki. Oh. Tango va faire des si bango calme. Balobino, toti ka bazoboyo, ba perore entre bango moko. Okay. Voici ce qui se passe réellement au Katanga. On veut transposer. Et l'eau que Zalaki n'a miné, boyo bato ya maïma y basil ici. Et l'eau que Zalaki n'a béni, oye mokonjambok avec les phares de ces basil ici. Et qu'il y a la katanga. Vous comprenez? Oui. Parce que le plan est bien concocté. Alors comment va ko salango na katanga? Te, et Zalaka na tribu mi balé, bana ya moutoumo, moko. Moulouba katanga na moulouba ka kasai. Ba bat, bana nyon soya. Ilungambidi kilu. Ok. Nkongolo. Ilungambidi. To salake bango, babanda makambo yo ba salaka salaka. Parce que baza e belé, ko le kaba tribu tout oyo. Trouble na bango, biso to kota na kati. D'accord. Tango to kota na kati, to koloba dans la communauté internationale, ke zali guerre tribale. Alors que Nassé, ce sont des commandos en civil qui opèrent pour fragiliser davantage la République. Et le pouvoir des Fatshi. Voilà. Sachant que Katanga, c'est la province, l'espace la plus chère à l'heure qu'il est, d'où il faut créer problème. Voilà comment ça se passe. Ngana lo bakango boye. Pasteur Gili, oboti bana lelo. Mitanu. Bakoli. Misa, tu le bien. T'as fait du tour dans la famille. Papa, ça, papa. T'as fait une routine de la yo. D'accord. Oyo, Espagne. Oyo, Goma. Oyo, Ake, Angola. Bake, Bafandi. Mi, Balet, Tikali. Papa, sorry, biso toupe tokei. Yo, koutika, nanani. A, ozo, kokola. Nani, kosunga. Yo. Totikali na yo. Après plusieurs années, baoba kende ki Angola, Espagne, Goma, baye ko zonga. Ah, papa, to zongi awa ezanda kona biso. Kuna ba prio ba zotye la biso pona kufute la. Bakoma salango na, nanko. Mi bale tikala ki, awa ezapa na biso, boko zonga te. Vous comprenez ce que okay. C'est le cas il y a Mouluba ya Kasai na Mouluba Katanga. Katanga. Bango nyoso. Origine na bango. Moko. Ezande na Tanganyika isika zoya zali. Ndesika babotela bango nyoso. Babandi kopanzana. Katanga nige za rakawana. Iza ya bango. Oyo sikoya kitaki na bokila. À quelle place Kasai orientale les Ali, à quelle place Kasai occidentale les Ali, à quelle place Kabinda les Ali, à Panzani Panzani. Moutete là, à Zali en Amongo. Okay. Yepe à Kendeki, Koluka. Là, c'est retrouvé na Kasai. Kasai. Yo, Mongo, ça n'a devoir te voir, ça moutete là, kawa et pas na yo, te. Non, non. Bouti et pas papa, mon. C'est le Komoko. Moussou soit mati, mati, oh, lokele. Lokele a kéhi, a kéhi sangani. Yo, kouye, bise yé, kéhi, zaya, awa, te. Bon, où tu places, Monko. C'est ça le problème qu'il y a. Le problème, on n'apprend pas la vraie histoire dès le bas âge de l'école. Ce qui fait que tant que tu vas coller, ma belle, je vais exploiter côté wana. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Tala équateur, na mobimba, na go nege zaraki. D'ici 50 ans, Bitumbe kokota pourquoi? Ngana za sud ou bangi. Ngana za nord ou bangi. Ngana équateur. Na ba Congo, on a za cataracte. Donc biloko wana ba belge ba planifia kala. Même avec les Américains qui sont nos partenaires. Pour pouvoir diviser l'Afrique, tant que l'Afrique a s'habituer na eloko, ba créer moussous. C'est pourquoi Makabwa Katanga. Et Zali, ma population, te bazan a idée wana ya fomenter le kouana. Non! Parce qu'il n'y a pas eu de bonnes écoles au Congo, Baboma, études Kala depuis Mobutu. Il n'y a pas de séminaire de grande formation. Ma stratégie à Makambouana, bazan a moulili. Voilà. Des héros dans l'ombre. Dans l'ombre. Et surtout, ce sont des hommes politiques. Pour battre la bangote, bon. Katanga, c'est vrai, ça a biso. Wolobi, Kasaya, qui était tika, Azan de Konangai. Yo, la qui s'abiso. Depuis un neo, yon a oyo. Production à cuivre, et Zala qui boye. Mbongo, aneza, wapi. Bongo, cobalt, awa. Mbongo, za, wapi. Kuna, na équateur, tata, Bote qui est veya. Ok. Le bois se vend facilement. Facile. Mbongo, yo, bote ka, za, wapi. Awa na bam dundu balobi tete. Bosongi c'est la biso pelle Z. Oyo boko misi yango barsavuko. Diama ya lunda za wapi. Ba kongo alobi te. Petrole na biso boko misango essence. Bo te kaka chaque fois ici. Biso bana ya ba kongo. Toniki toye ba makonzi. Mbongo ya petrole kenda wapi. Kuna na koltan. Na ba nord et sud Kivu. Bola kisa biso. Mbongo, ya biloko koteka, bolakisi bozongisi yango na bank, tokaboli republiki, na oye babengi ba PIB, emata, Avant boye bisabiso makambo tali tribu. Ba kima ka chapitre wana tango zo inda ba fungoli makambo tribu. Peuple est comme distrait na tribu politiciens dans la macambo. Ceux qui ont rassemblé Mobutu avait à travers le monde plus de 80 immeubles de grande valeur. Et de 40. Na Belgique, Azalaki na au moins 8 châteaux. Sans compter à Cap Martin, okay. Na France. Na France. Soko Mobutu a joué à Kabilo Kowana Tchakango na Équateur. Équateur Mobimbate, mais lobby capital. Awa. Ni Équateur est sa ville. Yamunene. Il ne l'a pas fait. Ce qui est bizarre, regardez. Okokuta que Bana Mambenga, Bazo critique Mobutu Teto Kofinga Nega Bafingi Félix Lelote. Bafinga ete, yo, moana boye, tout final, basalangoti. Parce que au Congo, la tribu prime plus que la raison. Mais tout ce monde a mouillé, papa. Tout ce monde a mort, il y a général Delphin. Kaimbi. Kaimbi. Bakatange Batenemi. Babi photo mon a clair na liwanae. Oh. Mais général Delphin, Aza, Mokonza Mampinga, na Congo. Bon, tant que Katanga a télémi lelo, pourquoi Katanga a télémakate na mort, il y a Samba Kaputo? Rien. Pourquoi Katanga a télémakate na mort? Il y a Augustin Katumba Mwanke. Pourquoi Katanga a télémakate na mort ya bateau bakufa lelo Katanga a télémi pour na mort ya Delphin lelo mais bakatangé belé bakufa kala. Est-ce que Delphin Katangé? Est-ce que Delphin mouchi? Est-ce que lelo peuple congolais n'a pas ya papa Kadiomba bakou retenir né Katanga bifa mon clair? Non. Et ça, bakatangé te comme population, zokoluka kumona clair. Ce sont les politiciens qui cherchent une autre quoi, ça y est. Mais justement, comment to koki comme ma trouble na Katanga pour empêcher la production ya minerai au profit de la province et du pays. Ok. Na trouble wana, rebelle moko koya kangi, soka kangi kolosi, zela moko basi ba fongola wana zokende soloezi na Zambie. À côté kandenge a moni l'air bon négocier katanga zonga ya oteka. Voilà. Et j'ai toujours dit ceci à mes frères. Le pays comme le Congo ne peut pas vivre en autarcie. Ne peut pas appartenir rien qu'au Congo le faux. Ba grande puissance tout et c'est yokana. OK. So bolingi bo mema bango. Basta la babe koleka. To continue na kosala buzoba to sala. Mais ceux qui ont trouvé sont très unis. Moyen pas balkanisé. Exact. Désordre à Soudan. De Bakata. Bakata Soudan. Alors maintenant, ici, j'ai toujours dit, même comme ceci, que mes frères Katangé ne pensent pas que ceux qui Bakati Katangé comme pays, Bango va se retrouver faux. Collègue à la province Nyonso. Non. Il y a un moment où il y a un jeune Katangé va télémper le lopon à Albert Yuma. Voilà. Or, so va télémpo na Albert Yuma bango ko batala Yuma tango to télémi poto bigisa ye ni nyango sha sali na ka na katanga ba télémi ka raison. Moi je suis debout pour mon Seigneur Christ parce que voilà ce qu'il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Et puis danger yango yo parce que ba toujours ba yoka ka message a décoder bien te ero ba so finga biso papa ero ba so finga ngana yo tala muluba na mungala wana mais tala siko ce qui peut arriver au katanga. Parce que déjà, na militoyo, Chine a zana mabele kuna. Ok. Canada a zana mabele kuna. Ok. États-Unis a zana mabele kuna. France a zana ngo kuna. Zambia a zana ngo kuna. Angola a zana ngo kuna. Rwanda a zana ngo kuna. Eh bon, yo kanisi soki kasaya longwe, muluba kasaya wana kei. Bakotika ke, ah, katange, merci. Mena, bisope, totiki. Te! Bako finabino kaka parce que sa province est très riche. Okay. Ils sont capables même yabasale comme pays et puis ba boto yango na mayele na bango. Voilà. Vous voulez comprendre ça? Allez voir l'Afrique du Sud. D'accord. Les Zoulous et les autres, les Inkatha, les Tosi, qui chassent bako africains moussousou. Est-ce que basi basi une place dans l'Afrique du Sud? Jamais. Bako zoate. Ndenge moko, il faut éviter Katanga za l'embraser. Na remerciaka batu ya kasai pourquoi? Ata bobomi bango ko bona teke ba zombies. Vous allez vivre là-bas comme ça sans problème. Parce que bazana culture wana te à part Munoko, hein, ça il faut le reconnaître. Oui, oui. Munoko, Kolobaboye, ça choque hein, oui. Les gens, ce comportement là-bas, tout le monde en a. Aussi, ma ngungu, pourtant je vais te surprendre. Balouba baza solidaire entre Bango Mokote. Ah bon? Tala bato wafunga ka Félix Makasi. Na bato yope Kabila Zwaki, a kaniseke kouzwa Mouluba, et za kouzwa IDPS. Kabila kanisake loko wana. Ba conseil na yeba yibisakiye, IDPS. Or non? Or non. Tchakoudi aza na poto. Osho kama kabwa finga président de la République. Balouba ba kokaki koza la tribu moko makasi ko la tribu nyonso pourquoi tout nagai allez-y papa balouba ka langue mo moko parce que par exemple l'équateur est pas nayo kimongo ezali lingala ezali mais bango ba ka na langue moko eza ba toyo so ba saka na eloko moko ba zalaka fort voilà. Exemple ba tutsi voilà et puis balouba ba yeba ka kobomba secret na bango te lokola ba Congo. Ba na problème. Ba lali nangu bango. Ogoye bate. Ogoye bate. Azo pe sa yo dodo kolome. Nakati li kamwisa. Et ça. Voilà. Mais Mouluba. Pa pa pa pa pa pa. Tu vois. Koloba loba. Et pas la minone. Te fe la. Kosanga ko te fe la. Voilà. Mouluba. Aloba loba. Trop. Et puis ne rêvez pas. Le Mouluba n'est pas comme Bandundu. Bandundu attend de quoi ça n'a dit voter. Va engager. Voilà. Mais Mouluba ko banda ya tiage. Mana mama. Mpangi. Mpangi, voilà. Plus Mpangi égale. Égale Mpangi. Voilà. Mais Mouluba, au commun, tiage le niveau. Voilà. Ah, mon frère qui était là-bas, il dit tiage le niveau. Il ne te prend pas. Azan dengewana. Voilà. Ce qu'on a qui vantard na ye. A kole ki sa tribu mousou spa wamona ke azamu nene. Me, kende, a yeda kabande konente? Yango zomo na pe me matana pouvoir a fachi. Bato ba kombatre ye mingi. Ba frère na ye. Ba frère Balouba. Le Roger Lumbala. Le tout consort, je connais ses petits. Oui, oui. Il n'est même pas diplômé. Voilà. D'ailleurs, c'est un breveté. Voilà. Et tout ça, Bouinabou. C'est son frère du sang. Moi, j'ai servi le père. Et puis, jamais je ne servirai les fils. Donc, voilà les Tchibala. Les Tchibala. Ils ont fait. Les Kassanji. Oui. Donc, ce sont les Balouba. Qui combattent leurs propres frères. Voilà. Et donc, Oyo Kabila Zui, Ache Bango Liboso. Bango Baso Salam Salawana. Ache Bango Liboso. Même dans Lubumbashi, j'ai fait une remarque à quelqu'un. C'est lui, le Kassayen, qui passe chaque fois. Yende Azon Finga Bandekonaye. Vous voyez? Si quoi mususu akoto son dengeni akofingo tendeni. Mais c'est ça, yango moni papa tant ba biso ba passer gilito. Koti makambo Félix, batu ba trouver ngo étrange. Batu ba trouver ngo étrange. Ah mais ils sont comment? Mais comment yo mongo yo mungalo yo okende kota makambo Balouba. Le loko tuna betelo li solo, na vanda mo komsu na tongo na zobima na bande ko na tambola na bango na mona appel. Oh, na yamba boy mutapesi nga identité. Non nga mona général Maïl nga ba oy. Abanda ka butu de pesi vifa nga bivifa. Na yambi bien. À côté nga bimende konanga comment yo munga l'équatorien ko kota mangamba batuana oh na lobane bo isela non na kati téléphone na tunié soki tata na yo salaka na bomoyo yo nga boye banga famille na bimeye bana te onga boye banga te oyé koyé banga après combien d'années oyé koyé banga après combien d'années tant na jo créer leadership na ngai moko ne yango benga na téléphone à partir des États-Unis tala le lo conception ya batu voilà. Kimuluba ya papa Tshisekedi ezalaki problème te. Bisonyo so filma ta papa Tien ya chichi. Il n'était pas président de la République. Non président de la République. Bon il y a des problèmes te. Voilà. Mais Kimuluba ya fachi eza problème mabe. Balouba wana. Balouba wana. Nalanda kutu même ata kulutu nanga mukomsu bo jibem piana na pese mbote place a sali. Alobi mutu mususu ala kiseloko na ye. Alexander kuna ye problème te. Shokinga na lobi Mouluba. Voilà. Donc, nous sommes tous à l'obali Kambounaye. Mais les lotes là, banda facha za na pouvoir kaka lobby mama Marx na mama Denise on a souhaité ba heureux anniversaire ne bala ki na kasai donc yé moko même fachi nan ko ta comité voilà mais à sa comité déjà ba province soko facha kendaka na kasai après avoir kokunda papa na ye awa na selé ake kasai omoni makamoto lobaki yangoyo pona yoki ba komolo baboye akosaki ako kunda mobutu ba Christian Lusakwenu ba répondre ba bité la décision c'est la famille de Mobutu soki lobi tolingi papa kundama awa nde ba yebisi président Fati nde akoki ko s'engager ne pense pas parce que Fati a sa chef de l'état ako kende ko picola maréchal na Équateur na Maroc, aye ko kunda faux kasi yango moni même conception ya batu papa Kadiombo ezake batu bazolinga babi misa Félix na likambo moko o Félix azana ngote we nakona lobani toleki na kata ba élection makelele bimi ayibi yete banomakiye boye na boye patati patata batu basale yango problème in année plein ya 2019 c'est ça mais les loyaux tangu lamuka bandai kofinga Félix FCC banda olobelo kote calme mais les loyaux tangu FCC azo sala ba complot contre Félix wapi lamuka lamuka silence absolu. Or lamuka disait le problème c'est Kabila, c'est Kabila, on n'aime pas voir ces gens là. Pourquoi lelo lamuka accompagner Félix était na nomination il y a au magistrat et permettre et fandi samboka makambo kende bien pour le problème c'est quoi na yebisaki bandeko problème ça mabuma batute tomoni yango dimanche le 8 mars sawa yo za koto yata okimana yo biso na centre ville via matana na bimaki via matana yo koto ya lingaka na yeba koto una pa mbange na fete na bandale mbange omona ki le 8 mars oui na yebisaka batu Congolais ça n'a pas eu mal salaté. Malgré que tout ça n'a besoin ma cambo kende malam. Mais Congolais n'a besoin mon tout. Bon, les lopo na nini la muka va accompagner Fachite na makambo. Fachi c'est l'ans absolu. Mo ya général d'Alfan. Kubenga ki le vieux Mondos. Alongwa kuna ayana kim et puis balobana bougeté. Bala. Donc et ça ba biloko yo peuple congolais balobaka ke tokundi ma pouvoir à Félix. Soka sali boye na boye na boye. Soka sali boye. Parce que abandi ko emboîter le pas. Asali yango. Asali yango. Silence. Silence. Bon, siko batoyo en fait. Balinga ki ba enseigner biso ni neni. Puisque la muka lo bayike asa nommé et no babotole ba pourcentage na ye, boye na boye, boye na boye na boye. Toke na ngambo FCC oki la masana lobi non non non non non non non asa produit na biso d'ailleurs biso ne batou en tout cas to gérer république et voilà patati patata mais le loyo tong makambo e bandi général Kayimbi akufi FCC babi c'est une provocation grave qu'est-ce qu'on entend par provocation voilà c'est-à-dire nakana bango baza ba éternel bako kufate non so ba kufi esa provocation ba koki ko simba mutute Papa Kadiombo, est-ce que batu bayebi musala oyo général Kayimbi abanda osana mbokoyo? Yango lelo na na courage a olobana salon na yo na micro na yo, que son âme réponse en désordre. C'est quelqu'un qui a mis à l'écoute l'institution qui est le président de la République et ses proches. Au profit de qui? Est-ce que son vrai nom c'est Delphin Kayimbi? Wanande na yeba katé? Non non. Là, on a continué à Facebook, c'est Paul Moudereke ça. Lui-même a écrit ça. Yemoko n'a continué. Moi, je suis Guili Josué Bokwala Ilongi. Je suis de l'Équateur, tribu Mongo. Paul Moudereke ça, Asimbi Banae Yamike. Est-ce que Moutoyo a l'obaki na téléphone? Est-ce que c'est sa fille? Mongongo ya mwana 18-20 ans. Bon, maman o ya l'obaki. Que mobali nanga kufi na crise cardiaque. Ye médecin te. Ayebi mort par crise cardiaque comment? Là c'est intelligent comme question. Ayebi amoningi. Donc ce sont des gens qui ont leurs identités dans leurs poches et qui se plaquent une autre. Voilà. La maintenant baye tout ça ba général na biso. Voilà pourquoi moni la République est calme. Comparément il y a général Mamadou. Na est mais tel année qui y a là qui embrasser. Oui, oui. Et puis, bah, sabotage na pouvoir passer, bah, sundola na cimetière à Kitambo, cimetière islamique. Tala tombe sika bakunda papa bauma. Ouh! Asana kwate, dal. Ana kwate. Malgré que. Même Mbouza mabe na talaka. Na soli kawana tout moment. Ah oui. Bakunda ye na balabala. Na balabala. Niska bacha, Mbouza mabe. Et puis, na général Wecha. Même Samba Kaputu. Même Samba Kaputu. Donc, Batia Bango, place wana batumoko, ba natinate. Maintenant, FCC, anga la ksabiso ke. Delphin Kayimbi. Est très important. Est très important que Didier Lungila et Tumba. Et plus important que Ami Sitangofort. Et plus important que Numbi. Et plus important que les autres. Que vous provoquez Bissot. Mais si l'FCC a sa preuve, il y a mort à Delphin, qu'ils aillent à l'auditorat. Oui. A tenir l'auditorat. A présenter Babilo Konaé, a expliqué pourquoi FCC a s'encaparé dans Delphin. Est-ce qu'il était pour la République? Ou Azalaki au service de Kingakati. Bon, qui a tué Delphin? Est-ce que chaque y a fidélité, il y a FCC, il y a Ngoyote? Que Moutako trahir n'a sort naïe? Possible. Il y a Ngoyote? Puisque, tu bandis déjà comme on a Babilo, qui est là que ça fiture. Mais Bango Moko, tu vas en kata FCC, tu vas en kata FCC, tu vas en Est-ce que ça en otage il y a Kabila? Mais ba yeba que Kabila a se servir na bangote. Bangonde, ba to ba sali Kabila nde ba na kine ba lobaka. Oui, moi j'ai toujours dit ceci. Regardez les gens qui ont mis ce pays par terre, ce sont ceux-là qui sont autour de Kabila. Mais justement, regret na bango eza que balinga ki ba ya autour de Félix, mais le président Félix était fort. Yango moni ancien gouverneur Basangani avec leur capitaine Yandri Kimbuta Yango balobi bazana ba expertise à communiquer mais pas Fachi d'ailleurs ceux qui coûte ba échoué qui ba moi dit pourquoi ba échoué qui mais qu'ils communiquent d'abord officiellement ils ont échoué pour pourquoi avant qu'on le rapproche parce que quand même Yango ndegatika Kishasa pardon Le loba telemi pe bango nyoso yango ngo ikasanji ki oya est kuna le vieux Marcelin bafandi donc Marcelin basala accident avion ya bukana ka boko donc ala ta plaque des semaines avion avion papa kadion boîte aza tenguti le lo na lobi vie avion Il y a un Auguste Matata. Il y a un problème dans le crâne de Banda Kosenye. Mais il permettra qu'il y ait un premier ministre. Mais 8 jours après, à ça, le point de presse dans le ministère de la Finance, à l'époque, le ministre de la Finance, Auguste Nga Moutakoufa Katumba Mwake. Donc, Antoine Gonda, Abima Saint-Sauf, avion Koya Maravin. Ou bien, Baoye Moussoussou Bazaki, na chaise volante. Et non, non. Et sautaki le parachute. Papa, nous parachute tout. Nous connaissons Mourinho et son système de jeu. Joseph Mourinho. Tu y es Mourinho. Notre système de jeu n'a rien. 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Ceux qui vont bloquer ici. Tu y es système Mourinho sur les salamat. Tu y es bien. Et ça n'a pas tout bakoufa va changer bango ba mort. Tu y es Jacques Mbadou Koufa comment Même à table de Konanga Congo central, il y a des gens qui ont mon accord. Il y a des gens qui ont été mis en place. Et qui ont Jacques Mbadou Koundama. Il y a des gens qui ont été mis en place. Général Bounza a Koufa comment Mamadou Ndala, est-ce que Babeta Moutoukana roquette Pour les longs gens qui ont été cible, il faut que vous ayez Bato FCC balingi yote balingi ngaite balingi bosembete balingi cholete balingi yoka sonte donc besoin na bango faut ba en finir na biso c'est-à-dire nous le mettons mal à l'aise est-ce qu'il ne savait pas qu'on observait calmement et qu'on enregistrait non le problème est que ba yebi mais courage ya koloba ndenge ba présenter ki biso Kabila bango balingi ti toloba oh nga na FCC bango Kabila, c'est un neuf. Oyo ba checker na terrain, mais entraîneur a la confiance na yete. Na ba supporters. Oui. Ba lobaki bon tout ce qu'il a étant. Mais juste kaka ne bande la match na deuxième minute. Perte à ballon entre 4 et 5 Kabila, c'est qui ballon. Encore mettre ballon faut défiler. Ma bête on me pense. Un un garçon de 29 ans, dans la République démocratique du Congo, quel que soit le niveau, nous sommes la manière à comment il est, la main de Dieu était sur lui. Ouais. Il fallait saisir l'opportunité. Ah oui, j'ai toujours dit, Joseph avait une chance énorme. Quelle opportunité de bien gérer de 2001 et que l'élection s'est terminée en 2006, quel que soit le résultat peut-être, même quoi yaki, il fallait, par honorabilité, par sursaut d'orgueil, pour qu'il reste dans l'histoire, il arrive, il dit 2011, dans sa candidaté. Ok. Papa Etienne Azobo. Bokonzi. Bokonzi, papa batte langa moto ya koka yiko batte le madame, c'était papa Etienne. Ouais. Botika levier, a dirigé mboka, nana faye nanga. Voilà. Vanda na yo, circule na yo. Sala nyo sonne moulingi. Mais non. Parce que Kabila a linga montré biso, au travers Shadar Emmanuel, que moto a kousimba, au travers levier, où ya pasteur, où ya dirigeant qui s'est né na biso na 2011. Moulunda. Moi, Moulunda, que ce qui va kangi Kabila, beaucoup na le pire, et goya na mboko yo. Mais. Yé moko azaki kolela lela ke bazaki ko yamba il soute na téléphone na Kabila. Voilà. Donc balingi bala ki sabiso ke Kabila se le roi. Papa Kadiongo. Et ça na batu bakoma bakonzi na mokilio ya Nzambe bazwa opportunité. Samuel Doe est devenu président na Libéria quel âge? Monamuke? Monamuke webu. Monamuke? Même Mobutu. Même Ata Maréchal Mobutu. Ouais, ouais. Ata Mohamed VI le Marocain. Ouais, oui, Monamuke. Il a succédé son papa à quel âge? Bongo a commis président na Gabon à quel âge? Voilà. Muammar Kadhafi na Libéria na quel âge? Bakoumé Banamike dans les trentaines, début à quarantaine. Ouais. Mais ce que Kabila joue en gros na 29 ans. Donc Azoba la bisoto mona qui est président célibataire. Ouais. Donc président Azoba la mariage tozo mona le 23 le 24 juin 2006 quelque chose comme ça. Abali tozo mona. Mais t'as la valeur au Nzamba pesaki mutuana. Mais maintenant, ce que Kabila a dit, c'est même en Zambé, même les populations congolaises, les gens qui ont été en Kabila. Ils ont été FCC. Mais Dieu a montré le contraire. Dieu, maintenant, il répond à cette façon de voir. A Tindi Moutoumoko, à Zana Armete, à Nambongo T, à Zouela Wela T, à Kepe Babeti Kouna Genève, à Sangarina, à France, à Belgique, Nzambé Bibisou Moutoumoko. Nous sommes les cas dans le Congo, papa, entre Kabila et Fachi, Bible à l'Obayango, c'est entre la vie de Saoul et de David. David. Fachi a costé à la Kosimba Makila et à Joseph T. Tel que les gens l'exigent. Non! Et comment souhaiter à la Mouka? Non. Kolanda la Mouka, la Mouka, et à la qui, moi, il y a Liboso, il y a FCC. Je sais ce que j'ai dit. Et je l'ai toujours confirmé. Mais oui! Qu'il n'y avait pas d'opposant jusqu'à aujourd'hui. Exact! Ce côté politique à Papa Etienne, il y a Fallou. Il n'y a pas match. Si Fayoulou a gagné l'élection, à moins d'une année, Fayoulou a collé Malit, il n'a été. Un produit fait par les amis politiciens, commerçants. Mais Fayoulou a l'élu. Ils m'ont opposé avec mon frère Félix, mais le voilà aujourd'hui, Penenaye. Qui sont là? Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ah, Fayoulou l'a déclaré. Mais oui, ils m'ont opposé. Contre mon frère. Mon frère. Et maintenant, c'est eux qui s'approchent de mon frère. Ah. Et moi, je suis loin de mon frère. Ah. Maintenant, demandez à Fayoulou. Si seulement Fachi, alors qui frère Nayo, t'en attendant qu'à yon main. Yaka. La première personne à nommer. Est-ce que Kocho, le loba, tu n'yon sobazo sans en amoko? Andara za la pembe. Rien. Fayoulou n'a coaché Simbakate. Hein? Et Simbakata Moukete. Et Simbakata Moukete. Ah oui, oui. Lui, Fayoulou, quand on dit soldat du peuple, alors que celui qui était soldat du peuple était Laurent Désiré. Laurent Désiré. Mais Babengo, soldat du peuple. Yaka le Boko Yangoyo. Yaka beaucoup de temps à Philadelphie. Voilà. Saisir opportunité. Opportunité. Ndena minute Oyo. La Mouka Oyo attaque au période en base Waka Fayoulou. Balobio Kozala, Durkab, pour ne pas mâcher le monde. Oui. Attaque Mbemba Lobakato Katumbi que Boland a été la population à le suivre. Population, pourquoi? Puisque c'est un frère. Ouais. Politique, il y a Fachina Fayoulou et sa politique, il y a Blaise Compaoré, na Thomas Sankara. Quelle relation dans l'église? Ouais. Des frères, ils ont partagé même foi. Voilà. Donc, Bakoyo Kanama, là, on connaît Veka. Ouais. Or, Veka, c'est un opportuniste. Voilà. Par rapport, il y a Eloko Oyo Bandekoyen, c'est Omoni papa Kadiombo na salaké mission aipa na yo na ebisaka yo. Nous les Kinois nous ne sommes pas bien éduqués. Excusez-moi le terme. Kinois ont un langage facile ya kofinga. Ouais. A vie vanda yo faut vie état avec Kadiombo. A vie longwa on a rien vie. La Kinois c'est Moko akorizanga lobi oh la Kinois vie bakaro ebongé na hôtel. Il faut qu'on ait un texteur. Mais yes, il y a un moto qui est sur l'hôtel. Même pas vélo. Voilà, c'est ça la Kinois. Mais il est en train de me dire. Si je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, papa, avion, il y a un Belge qui est en train de me dire, qui est un Congolais, qui est en train de me dire, 19. Baika kana sachet. Mais na yebisio biso ba congolais et lokezo bo mabiso eza ko s'intégrer na culture. Muta fe na poto na bano otango bino bonde ko kola biso na to bota mite tito e ko bota matobani ko koma bato. Soki muta uti poto omoni mwa bo moto. Aiba ke lo bato senti mwa ba bonne manière. A changé. Et l'espoir de la famille commence à bandi ko kota. Mais lelo muta soki de bunda na mboka ya bato ko le ka Macron. A Tumbi. A Lingi Alakisa Macron ke. Na Lingi France ko le ka yo. Na Lingi France ko le ka Guillaume le Conquérant. Na Lingi France ko le ka Charlemagne. Na Lingi France ko le ka Pompidou. Pompidou ko le ka Valéry Giscard d'Estaing. De Gaulle, Chirac, Mitterrand. Donc na l'équipe ango ko le ka Hollande. Yangonga na Lingi France. Nous le robots la marate. C'est ça. Mais yo tunaye. Dernière fois où ya kende ki na Western la tinde la ki famille Mbongo. C'était quand? Voilà. Ce qui est malade, petit, vieux à passer, n'a pas beaucoup de sanataire, ou il y a poto, petit, ou il y a poto, vieux à passer. Et trois quarts de ces gens-là sont arrivés en Europe, que Baza va réfugier, bah, exilé politique, il y a eu des pèses. Mais sont nombreux. Non, n'a pas beaucoup de kamouana. Ou on a si qu'on a kawana, balouba basate. Ou on a sali kambatan libante. Un mouluba zaki bien. Ou on a si qu'on mouluba la qui bien. Azobenga na kina lukina na carte ay depes. Carte kena ba de ya chen petit na make sure yedanga. Mais lelo facha so pouvoir na ba plan machiavélique nyoso o ba kotsaki et que lelo mulu ba ko mabe. Et puis parenthèse mususu pasteur Guli Fayulu a soutenu Fali pour beta concert wana na Lexus légal. Pour nani ba attaquer te. D'ailleurs, mon tukuta sali ke batebele lelo baye ba Fayulu Sefali. Oui. Mon vieux Martin Fayulu kin bous faden raus. Fayulu. Fali à la qui sa peuple congolais que c'est mon vieux. Bo oui. Fete. A lo bango d'une façon indirectement. Oui, oui. Et ça le quoi koulou tu n'engage bien piana sala ke batou baye ba nani. Adam Bombole. Oui, oui. Koyim baye na banzembo koulou se partout. Voilà. Mais ce qu'on pon anini te batou ba mouni Fayulu mabe. Non, wana za bien. Donc, besoin na bango ba ke yoka kope. Félix a soleil na kagame. Donc montao beti sa fali na poto et sa ba Rwanda. Ya mo ba beti bala likolo na ba Rwanda Paul Kagame na Macron pour abeta ka ndule wana. Mais soki to boya ka concert pour na continuité ya Kabila. Mais au départ ya pouvoir ya Fachi, ba to ba ka nsa ka sa continuité ya Kabila. Mais le loto somo na réaction ya FCC vis-à-vis ya pouvoir ya Fachi, c'est que ba sa ba na tata mo côté. Non, Fachi est sorti de la politique et Joseph est sorti de la rébellion. Voilà. Donc Bakotika la koyokana atam kolomo. Ils n'ont pas la même logique. Donc Kabila est mauvais depuis sa source. Oui. Il n'est pas de notre azana motema ya ba congolete o ba congolais bazana ngo. Papa Kabiombo. Est-ce qu'il y a un problème? Na FCC le lobo sali 18 ans de pouvoir. Ya kotika mboka tel que o botiki yango. Où est le problème? Un jeune homme de moins de 50 ans, oh, le Congolais, au banda même vit à 60 ans. Ouais. Même à 80. Même à 80, vieux Wendo. Ouais. Arrêté pendant combien de temps? 3 à 4 à 5 ans. Ça tire dans ma pangue, il est parti. Il est parti. Donc, a suivi Naki Bumpaka. Oui. Mais Kabila a tiki pouvoir à moins de 50 ans. Tissi qu'on a pour ces 50 ans. C'est choquant. Azo Wendo là, nini. Il a le temps de faire autre chose. Azo Wendo là, nini. Le problème est ça, il y a pas toi FCC. C'est le moment pas quitter navire à FCC. C'est le moment avant qu'il soit tard. Batika l'individu va rejoindre directement l'institution. Batika y. En tout cas, bravo. N'ayons surtout ça là qui n'a. Est-ce que FCC a aussi rappelé na comité central? Ah, oui, du pauvre maréchal. Pauvre maréchal. Est-ce que FCC a aussi rappelé na M20, ceux qui M17 les moins Congolo, les tout consorts. Pourquoi Kabila a s'associé à Nabangote? Parce que l'enfant, c'est la continuité de son papa. Surréellement. Surréellement. Or, le parti du père, c'est RPR. Est-ce que l'analyste est à la promotion? Non. M23, le monaki qui kouka mati à l'emba. À l'emba. Ba docteur Sonji, ba l'emba. Ba l'emba. Ba bandoma, ba dis-moi. Ba dis-moi. Et c'est fini. C'est fini. Tomoni bilongi yasika. Yasika. Le lot fika ou yotuna FCC. Kozoa, koulutunanga lokola mon vasakani. C'est un professeur de qualité. Ouais. Pourquoi ba kouke vopé ses provinces à Tanganyikate, ba pé si en Osoé? Ah, c'est à eux de se poser la question. Lui, l'originaire de ces coins. Il continue à défendre. L'originaire de ces coins. Pourquoi famille Moko ya Kabila Baza n'a sanctionné Kaka proche ya Kabila Ndi Batoba sanctionné. Baza n'a sanctionné. Mais lui n'est pas sans. Lui n'est pas sanctionné et sa famille. Et regardez, pourquoi les Américains ne les sanctionnent pas? La communauté européenne ne sanctionne pas Kabila et ses proches, mais ils vous sanctionnent, vous. Vous. Est-ce qu'il n'est pas temps vous associer avec votre propre pays parce que ça devrait vous révolter? Papa Kagumbo, qui a la fortune de jouer dans la FCC? Personne. Personne. Donc, il y a que Kabila ne le calcule pas. Bangonde va tout calculer Kabila. Kabila va calculer Bangote. Comment voulez-vous la présidente de l'Assemblée, où il y a une institution, mais dans un bilanga, il y a des députés. Extraordinaire. Il y a des fois où il y a une autorité morale. Ce qui est le lobby, c'est tout un problème. Présidente. Président du Sénat. Il y a des sénateurs. Bazo fouiller bango. C'est que confiance mon côté. Exact. Il y a des fois peu baoyeb sa bango ba lobby, les lo réunion na kingaka tete bo démarrer mituka to kende chelem. Bango na mbango. Je l'aime. Na bambouteillage. Bakoko. Lokora bakufa. Bakoko ma ona fouille. Est-ce que bazo raisonner que c'est le temps? Est-ce que bazo raisonner vie à samba kapoutote? Est-ce que bazo raisonner vie ya Auguste Katumba mwankete? Est-ce que bazo raisonner vie ya Jacques Mba Douté? Est-ce que Bazo raisonné vite de lui-même Kabila? Est-ce que Azo raisonné vite ya maréchal Mobutu? Il écoute Azata na mon a 20 ans. Qu'il demande à maréchal là où il est maintenant. Il a pensé à Niwa. Oh, Niwa est parti à 38 ans, Jean-Paul Niwa Mobutu. Vraiment avant. À 38 ans, il a quitté son père, président de la République. Et le père, je me rappelle la première fois que j'ai vu Mobutu coller la Conga. Na cercueil na cercueil loko la biso batu pamba wana nzambe ayebisa ki bango makambo salaka na salio yango oyoki ndenge sui voilà cercueil ni wana se euti Belgique mobutu ajo bamba cercueil ba simba yete batu ba obanga ku simba maréchal ayoki pasi aliwa ayoki pasi. Est-ce que Kabila jo pense? Est-ce que Kabila a pensé dans l'Irakien le plus fort, Saddam Hussein? Histoire est bunga. Et si là, est-ce que Kabila a pensé dans Muammar Kadhafi? Or, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Fioti. Est-ce qu'il a pensé à Yé? Est-ce que Kabila a pensé à un Mongaliema? Et Kamparore Blaise. A comme il est le pauvre. Pauvre talanzoto, talakutu image ya conseiller moko ya maréchal Mobutu et zo tambola sko na douala. Azo senga mbongo na nzete. Est-ce que la vie c'est quoi, papa Kabombo? Pourquoi le nom tazo linga a s'encaparer na tout au détriment ya nation? Vanité de vanité. Tout est vanité, Salomon l'a dit. Rien n'est de nouveau sous le soleil. Rien. Ce qui était est et sera. Est-ce que le nom FCC place ba fandi? Bazo conseiller na la dit journaliste moko na télé 5 ans. A lobi à lobi, République, pour qu'il soit un général à niveau ya Kaimbi, il faut au moins 15 ans. Il rêve debout. Mais ça, c'est caché. Est-ce que Kaimbi a le niveau de Mayele? Hein? Eluki, Boteti, Wamba Matudika, Bumba Mwaso, Mulamba Nyuni, Ba Major Mpika. Est-ce que Ezako Yeba histoire tétonie ou Ezanko? Papa Kadiombo, République et Okanisabiso, ça c'est notre terre. Et loko tozo sala lelo, ce n'est pas par rapport à quoi que ce soit. Et ça, c'est ce que je veux dire. Quand je suis au Congo. Quand je suis au Congo, je suis au Congo. Quand je suis au Congo, je suis au. Toi et moi, on n'a pas l'argent. Non, nous, c'est la nation. Nous, c'est là que les gens n'ont pas compris que non, nous, dans un pays mon corps organisé, on serait appelé à être des petits héros. Nous, c'est la nation. Nous, c'est la nation. Bangaja biso nulle part. Nulle part. Bafouta rapé biso nulle part. C'est la nation. Oui. Mais bato, nous sommes vendés avec les Kalekawana. Bapé, ça va, on va perdre. Demandez dans la tombe de vieux Lushima Njate. Il a laissé quoi? Il a inventé Kabila et monsieur Ebi Eri Bandara, Nefer, mais Eri Sila Kébanite. Tant qu'on est bakaka. Et ce qu'a l'émine, monsieur Sili, a zo finga papa Etienne Tisekedi, na morgue. Oui. Mais a évité que mes collègues Zolanda yemoko. En fait, la vie c'est quoi? Batoyo va servir Kabila. Ba pesibiso identité, moussousou. Biso ba congolais to yebi. Papa Kadio, monsieur Kawayo, so ba moulobawan. Gili Bokola, so ba mongo. To samboy Didier et Tumba Mongo. Mais Paul Mouderegeza. Et salut le Kambounandegeni. Et komi Katange. Oh, Azalaka Mouchi. Papa, na este babenga. Babitala, passe bo sakana bisote. Nana sali souni. Babito beta bino. Ngabini ni abio. Mais bino botin de la bisonne taza mouchi. Abitana mounoko na yo. Oh, papa. Et puis basa rakanda. Ngabita za mouchi abi. Oh. Awa to saba mouchi. Bavira. Banyanga, c'est quelqu'un qui a expolié même des maisons à l'État. Mais le lobazo il a eu na kama banga, na des lampes, na parcelle, mon gaza même pas, il peut contenir même pas 30 personnes. Ouh, je t'ai dit, bande quoi est-ce que Hollande a dit ça? Rien. Il y a mon la République est calme et puis la ville est tranquille. Tranquille, puisque les Congolais a mis tout à mité qu'a coupé l'IAE. C'est ça. Donc, à Simbamité, que Oyanga a Koufi. Non, papa. Qu'on ne se voit pas la face. Tu me cacochité, papa, parce que Zoko Sala, mon temba moto, ils ont soulevé ma estomac, ma tripe, ils ont bougé. Namoni saute de mouton, ils ont kende mbangu. Mais bah, on va finir qui namoni va faire du calme. Et ça, nini. Non, papa. Nalobi, mon konsa sa mon kons. Na kanga ke loko moko na yoka et pas maman Colette Brackman a dit attention avec le fils. Le fils est plus dangereux que son papa. Son père était radical, mais le fils est dangereux. L'histoire de Félix et son père Étienne Tshisekedi, c'est la même histoire du roi David et son fils Saoul. Salomon. Et Salomon, oui. Salomon, j'ai dit ya. David, c'est le seul roi na Israël à ses dates on avant sa mort. Pe a yebisa son fils ba ennemi na ye tout même problème à moi na ye Absalom. David a livré pas demi frère na ye a bien attention avec Absalom il est dangereux hein. Faut que ba na ye même l'obisso nga na zate faut faire attention avec lui attention avec Shimei hein. Shimei a boqué langa zelo Shimei a boqué langa zelo traité bien. Or Shimei ne savait pas que Nenge Salomon vendit a plan un dossier ma kamou papa yebisa ye. Est-ce que a yebi qui est qui? Qui est qui? Et lorsque David parle à Salomon, ah, a yeba keza mwana bilaka. Et puis tel encore, tant que Salomon a eu pouvoir, sa maman Bercheba était son premier conseiller. Maman Marthe. Maman Marthe, il y a wana. À côté de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'héroïne vivante. Ouais. Il a lutté avec son mari. Aujourd'hui, Dieu pour l'honorer. C'est le monde qu'on s'envoie. Oyo fachi a sa nango na katia motema. Batou ba yebite. Mais avantage à Félix, c'est un homme de Dieu. Ndeska batou moussou ba zobika. Ndeska batou moussou ba zobika, mais baso comprendre te ke azo ko livre bango et pas yam zambé au koutou yemo konde ako kakia sali la bango. A moi la vengeance, à moi la rétribution. Exode 14:14. Gardez silence. Je combattrai pour vous. Moi-même. Donc, le vrai problème, il y a un mot. Le long temps où batou, baso loba, papa kabiombo. Nous en basons le coup, le long en bas vérité des aînés, les qui est banité. Ici là. Ici là. Le long, nous en basons le coup, mon nomination. Kebiso batou ton nomaye. Ici là. Le long, mon tabeta kou sirkou, tu y es bakate, ma kofio ya soa. Asalakana, ma bele. Namoni, sukoyo magi, akomo koloka sala amitié na mukuna. Non, non, azo lukande a détruit réveque. Oui, c'est ce que j'ai dit. Azoluka a détruit l'évêque qui n'a renaissance naïe. C'est mauvais, Henri Soloka. Il est dangereux. Il faut papa faire qu'à tout na Henri à qui met la potonine. Babenga naie. Kobi mana prison balamoko refoulé. A coach a suma colonel na potote. C'est ça. A tikaba nyongo a tikaba abi na poto. C'est mauvais. A landi papi revient naie na FCC. Au moment que papi tamba, rien. Au moment que le vieux Louchi manjate, rien. Oh yo, papi tamba, je ne sais pas où qui. Ambassadeur de la paix. Kasumoko basa ko benga so kinini le feu. Hein? Et voilà. Le Mais non rien. Où sont aujourd'hui les bérets rouges? Disparus. Disparus. Wapi le loba corps ya Kabila na Fachi. Oh ya lobaki akolakisa. Akolakisa. Et ça wapi? Mais c'est le moment de brandir en go. Maintenant le veille de conscience à Mukuna, bazolunga va étouffer dans l'œuf. Non non, bazolinga babomai. Oyebi papa Kabiombo. Bakasin, bah la ratéti, au moins il était vieux Mukuna, via bétanon ma kofi avant le roi comme pasteur Nengaza. Ouais, un bon moyen de faire le kofi. C'est baboya, bamonioso, bayata moko moko, ata witi bakoukoué, yabongo yane fasim bananzot. C'est ça. Henri Machi a son lukasko moyen à approcher le vieux Nanzela naye, parfait loko mo yamabe le kapwa, puisque bango basa spécialisé yoyebi. Ouais. Bayebi a mon a sorti tout. Ndé lokomoni vie ko salaire rete na ba côté na bango ko tia makoloté yo ko tia makoloté vie ko tia té na ko lela yo. Donc ba liste na biso ba kombo na biso ça Zoba ya Kabiombo. Pasteur ya Lukuta. Christian Bosembe. Petit Chol. Yokasson. Donc liste ba si ba préparé. Mal à l'aise quand on est au salle émission. Ouais ouais. Na poko atango ko bwaka ngoko tala e bikisi batuboni makambo tolobi batuboni ba kozala soulager c'est ça ke ba yo ka vérité ya makamba bo na kata république c'est ça ndi force ya pouvoir à Félix yango en tout cas to komina suka mais j'ajoute un élément en disant na yoki batu batelemi na sobe muto ya Mandela lokola barabara bazo sala jia di kolo oui oui na so le kawana ya na yoki moko azolo ba Mouluboyo, à moi, toi, mangogye, à moi, te maman kasi, tiens, c'est là, comment ça là? Moko lobina ye, kasi yo lobaki, a gosale loko teze moutubano maki, nyon se toko buka toko zabatol to tongi bandako. Toko tala soki boko matali kolote, nako tamboran encore, mbongo a pays. Wana lobia, mbongo. Au moins, quand même, vous trouvez un chef qui prend le bon pays à Selango, mon sale. Attends, il est dans la sombiata, mon tote. Rien. Mais ceux qui sont curieux, quand tu vas tout autour, naïe. Bariche. Bariche. Soko lobi bongo, n'a pas quoi fini biso. On s'en fout. Soko lobi bongo, quand tu vas saliboué. Quand tu vas longoli même, il y a entreprise, il y a achat de billets, il y a présidence. Papé Siango, il y a un individu. Donc, ceux qui sont sombres à billets, il y a voyage, il y a présidence, ensuite, il y a 1000 francs. Kuna na chance na ba osomba mona biye moko 3000 balobate pona nini abimi na camp politique moko boy c'est ça do batu balobate banda ko partout où ezo mona donc on dirait mutu soki a jouer loko na kimukolo et perda kayé mais et dire que beaucoup ba uta poto el kamwa Papa, dans le bilan. Biso to fandino na bandale ba mbula. Te ezaka ka. Bazowela la bloc negeni. Ezaka ka bien puisque match est comme akaki toko na deuxième mi-temps. Au moins le but de ringa mena match facile. Mais ba surprendre ye. Minute ba surprendre na enroulé et fandi. Ndende ke toke na Félix. So ki apesa ki bangote. Toke mana ye na poto. Boye. Mais regarde ça, c'est bloc mususu ya ba combattant mususu. Ba combattant diaspora. A memi bango. Elobinango atandi. Elobinango atandi konanga Eliezer mona kololo pango. Eliezer alobi na mabala et salami na coalition. Donc ministre ya ministère fulani. Abali koto te bossa ki makamu. Donc coalition partout na njoto coalition. Oui. Donc le loso ko tali même diaspora. Ba jeep na bangoti na basse nani nanani. Awa na lingwala awa pande ko nanga busemba wapi. Aveni nyangwe mtaba PR vande mo panzi président. Ezan taba nyangwe. Ezana mumbunda pa ya dekora biso ingila. Ingila. Ezali na oshwe sambwe. Na donc omoni lokoloka ka donc yomo ko yebi lande liona beti. Donc diaspora. wanantaba azogulia et puis na ba chambre. Et leur question est simple. Qu'est-ce que tu prends? Na ba chambre hôtel. Tu choisis là. Na ba chambre hôtel. Yango moni lelo ministre ya mwasi na ministre ya mobali basali coalition. Qu'est-ce que ça gouvernement coalition te? Qu'est-ce que coalition que petit nanzoto? Coalition ensemble. Ensemble. Coalition yango. Vraiment. Félix a salé le colonne à je ne suis pas le président par rapport à la coalition. Je ne suis pas président par rapport à la famille politique. Je suis le président de tous les Congolais. Tikasko basala bongo, moutou na moutou. Même présidence. Batobele ba yebite papa. Justice. Batobao c'est la bakombo. Mais bakombo pe bandiko tangam. Moutou mon côté à cause à l'épargner. Moutou n'y a pas à citer. Et moutou n'y a pas à l'intérêt. Voilà pourquoi j'ai fait une émission pour dire. Soyez tranquille, na nomination ba mandataire ba oya kala bazali ba mandataire aité. Ba tikala ba le ba le kana audite. OK. So ba longolié a okima. A okima. Ba audité ba silis. Tokoye ba souk. Voilà. Voilà pourquoi les gens disaient le président de Pika Yuma. Atiki Yuma, ya za Yuma tiki Yuma. Ayeba ke lokwa zo sala. Yumatikala. Na nomé Kyungu, na nomé Mutom, na nomé le coin de Kotoyo. Mais yo, Zalaka wana. Parce que yebaki tipo yo, ana ba dossier ya ko sala. Nde politique pa beti mundos. Babio Zalaka wana comme général, mais na tombolé le des adjoints, bo travaillé na bango siko. Na mona nde musala musala. Na mutambo? Na mutambo na ka. Pa. Yeye bazongisa. Voilà. Donc les mandataires oyo bazawana bakolongwate na nomination ti bakozwa bango. En tout cas, nzamba pambolo makasi. Merci beaucoup d'accepter jusqu'à 7 heures. Surtout j'ai pitié c'est de votre épouse. Patience ozanango. Eza patience na mona ka maman Marthe. Elle était partout avec son mari. C'est ça Moussa Lenzambe. Non. Le problème, il y a disponibilité nanga d'abord en Zambie. L'idée qu'on respecte bah Enene Tibino, moni bisho tu as dit bah miki, qu'on t'a déjà papa Kadiumo. Donc d'abord pour moi, qu'on fasse la peine na yo, et ça déjà qu'on compte sanga na grandeur dans des niveaux de loba. C'est ça. Et qu'on compte sanga na grandeur, et si kawo yo sauter les mangas non atteignité. Sengayo, merci. Denge Kanemo Yambakinga, merci Kulutu. En tout cas, tu as ma bénédiction, mais je ne suis pas le Seigneur. Merci. C'est le souhait que je dis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ce jour-là de mariage, aux anges, sa invitation, tu n'as pas de tout, tu n'as pas de tout, tu n'as pas de tout. Tu n'as pas de tout, tu n'as pas de tout. Tu n'as pas de tout. Tu n'as pas de tout. Et même, tant que vous avez dit, le jour où ce qui président Félix a été, attends maman Marthe, attends maman Denise, attends Kabound, attends Augustin, Baya, pour l'un de nous vient d'être honoré. En honorant son épouse, il a honoré le Christ. Ça, il faut nous dire, un mois avant, tant que vous avez dit, Otoyo bandenge ya oye ya liboke ya matembele a préparé netingai comme votre épouse c'est ma jeune sœur na kutinda ka message na lomba chipati na ngambwa moko eza repas. Donc tu bela ba tia chikota il y a quelque chose chez nous à Lumbashi o biso to liaka na vraiment ils ont gâté la bande à couleur bisounours Ndakala. Ah ok. Ndakala parce que quand on avait dit Mobutu il avait menti, non Mobutu avait dit la vérité quand on dit comment les gens mangent ici, tu vois ici chez nous on mange un poisson chacun un tilapia un poisson, il y a le binon chez moi on mange plusieurs poissons, quelqu'un peut manger même 100 à la fois. Oui. Oh ce n'est pas vrai. Oui. Kengo a le binon mais monsieur le président ce n'est pas ça le but. Yo, Zali Zouba. Bon, d'accord, là, on a mouton à combien? Soka tchelo boko mbara moko azana boni. Voilà. Donc il a un peu ça. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Nazo lutté. So zamba pambolingai. Studio ezala yako kitakuna na se. Merci beaucoup. Pour tous ala ka très régulier. Oui oui. Tobundanano. Merci. Nous n'avons ça que comme république, pas autre chose. Pas autre chose. À tous ceux là qui sont de l'Europe. Pasteur Azawana. Boko zala na valeur rebelle boko boko yeba ko sunga batu. Na ba Côte d'Ivoire, na ba Sénégal, ba Mali, ba ndeko ba zakuna tanga ba moni musala maramu ezo salema na mboka, ba ngode ba zwa kan charge batu. Boze la teke l'état congolais azwa biso. Ou bien mon ko zwa mboka o bona boye. Non. J'ai vu des gens être équipés, c'est par l'étranger. Ba frère ba lobino non, ces gens qui sont là qui risquent leur vie. Pour que ebonga biso to ya kozonga de la même manière que vous faisiez des gestes avec vos familles vos salam salam ebele, vous devez le faire ici. Même les gens qui sont venus de la diaspora bazoko travailler na présidence, ils auraient pu faire ça parce que kala ezala ki moyen za difficile si ka moyen za wana, mais nous ne voyons pas ces gens pour dire bon écoutez, vous faites même le travail que nous on allait faire hein, mais pour vous encourager nous vous donnons le moyen pour que vous avanciez. Il pouvait se justifier même un jour plus tard pour dire non, non, attaque au Toloba qui t'aime, mais tu as dit que la situation est baloba. Zambé Alola Zolokoum. Et c'est très bon d'être là. Délégation, je suis accompagné. Je remercie encore pour la patience. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Ciao.